Mélancolie de Xavier Marmier, enregistré pour LibriVox.org. Mélancolie, imité du danois. Je connais une vierge du Nord. Son front est pâle, hélas, mais douce est son image. Elle aime à visiter, le soir, les champs de mort, à rêver dans les bois et le long de la plage. Même quand le printemps sourit à notre espoir, elle marche pensive et la tête baissée. Mais elle a tant de grâce, elle est si belle à voir, qu'on la suit pas à pas comme une fiancée. Et moi, je l'ai suivie avec entraînement, tantôt dans les forêts, tantôt au bord de l'onde. Dès ce jour, elle vient me prendre à tout moment, dans le calme des champs, dans les rumeurs du monde. Oh, fuis-la si tu veux garder la paix du cœur. Cette vierge du Nord, c'est la mélancolie. Et quand on a connu son doux regard rêveur et son muet baiser, jamais on ne l'oublie. Fin du poème, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.